Regardez les commentaires, négatifs et sans espoir. Passeport archipel, la peur qui s'entremêle. Catastrophe en marche, pour l'avenir qui s'efface. Tourisme aux îles de la Madeleine, nos rêves qui saignent. Oh, où est l'espoir? Nous cherchons ce cages qui se vident, nos cœurs qui se brisent, les vagues sans visiteurs, quel est ce malheur? Oh, oh, oh, où est l'espoir? Nous cherchons sous le soleil, nous perdons la bataille, dans ce sombre réveil. Les cages qui se vident, nos cœurs qui se brisent, les vagues sans visiteurs, quel est ce malheur? Oh, oh, oh, où est l'espoir? Nous cherchons sous le soleil, nous perdons la bataille dans ce sombre réveil. Voyageurs disparus, horizon méconnu, sauver l'archipel avant qu'il ne soit cruel. Sauver l'archipel avant qu'il ne soit cruel.